podcast found on Spotify, iTunes, and anywhere podcasts can be found. Now, stay tuned to Bonjour Minnesota. This is Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online at KFAI.org. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir bonjour. Adrien, bonsoir Freddy. Salut Romain, bonsoir. Salut Adrien. Salut. Comment ça va? Ben ça va. Ça va, super. Ça va. Mieux que la politique. Yeah. Better than the politics and everything that's going on. Yeah. So I'm better. So how are you guys doing? Well, doing well, considering the current situation. Yeah, that's true. What about you, Adrien? Awesome. This is a good time to, this is a long weekend with MLK holiday. So this is a good time to think and reflect and enjoy, some time, maybe outside. That's true. Actually, yeah, this weekend, especially when you live in St. Paul, I think it's better to stay home. Are you talking about politics? About like, some of the protests or things like that? Or yes. Just, yeah. Yeah. Yeah, well, I'm not planning on going anywhere near it, but yeah, I'm with Eric. We went to the Vannies because the Highland Park are canceled. They are doing some kind of a deal with some of the restaurants. Oh, mm-hmm. And so if you go eat in some of the participating restaurants, and I think you have to submit your receipt or some kind like that, you can win some prizes, which is probably going to be gift card for our restaurants. But so we did the Vannies yesterday, but I think I'm going to try more and more. This which this one? Another, the one on Grand? Yeah, Grand in Cleveland. Yeah, right across from my office. Okay, at St. Thomas. Good. That's good to know. Yeah. And and otherwise, in terms of music, it's pretty quiet. I mean, I prepare a selection that's something new, something funny, but we've done with the recap of 2020, so let's move on into some other things we want to play. Yeah, we just actually had the list of the nominees for the Victoire de la Musique. Oh, I missed that. Yes. We should do that. So I think we're not going to play any Victoire de la Musique yet, any songs nominated. But we'll do that for next week. But for another show, yeah, we'll definitely do it. So, Romain, concerning les Victoires de la Musique, can you explain a little bit what it is and who are the nominees for February? Okay, so les Victoires de la Musique, that's in France where the Grammys are over here. And so the ceremony is usually in February. I don't know exactly when, but like mid-February. Mm-hmm. And the nominees were announced, I think it was like earlier this week or at the end of last week. And we know that Suzanne, that we like on our show, is nominated. She won last year as the best breakthrough artist. Okay. Because there are categories, you know, like in the French, the César, the French Oscars, there's a category that does not exist here, which is either like meilleur espoir or meilleure révélation, which basically means the best breakthrough artist. So Suzanne won last year, and now she's in the best, you know, in the best female artist, I think, or best song, I can't remember. Benjamin Biolay is nominated with his latest album. Grand Prix. And the song Comment est à peine is nominated as best song. Vianney, it's a nice one. Yeah. I like that song. Vianney is also nominated with his latest album. Vianney on Bonjour Minnesota. Yes. And there is a new category. I think it's the most streamed song. And I think this year, so they already know because it's not, you know, they don't have to vote. They just look at the numbers. And I think it is Gradure. Okay. The rapper. Yeah. With Eus L'Enfoiré? Is it for the album or for the single? No, I think it's one song. Like, who's the, I think. And that again, that's a new category and I didn't really look into it. Okay. But we'll talk about that more, I think, next week with our selection. But that's exciting. That's always a fun show. And that's also a good way to discover artists that we may not necessarily know, especially like the newer ones. So that's where I really found out about Suzanne last year, which is now one of my daughter's favorite artists. She knows all the songs of the album by heart. Nice. So, yeah. And that's what we try to do on the show is really to showcase some new songs. And Freddy does a lot of research as well. Romain knows a lot. And we try to really provide new songs, what's going on in the francophone songwriting world. Yes, on the music scene. Yes. So we'll do that next week. So it will be like a mini theme for next week, because I don't think we can, you know, use the entire show. There won't be enough material. So yeah, we might be able to. It depends. I mean, it depends in a... Yeah, I mean, if we do 2 to 3 songs per artist, like from their albums, I think we might be able to fill the close to the 2 hours. I mean, not necessarily completely, but if our listeners have some artists that they really love that sing in French, put that in the comments. We're on Facebook. We're always open. We're open to that. We really like to exchange about music and know what you like as well. Yep, exactly. Okay, so donc, shall we listen to some music? Yes, on y va. C'est parti, c'est parti mon kiki. Oh, tu l'as dit, Bouffi. Ouais, j'ai dit en premier. All right. To start, we're going to listen to the speech of Martin Luther King Jr., I Have a Dream, in French. Then after that, we'll move on to some songs. And for tonight, we're going to start with some songs about democracy and liberty, because I feel that what happened to the U.S. Capitol in Washington, D.C. deserves a nod to these two concepts that were just disputed. The first song we'll listen to is Adrien Hédon with Chanson pour la Liberté, then L'Accent with La Démocratie, and Les Notaires with Dans ma démocratie, In my democracy. I have a dream. French translation, read by Frédéric Posine, for Bonjour Minnesota on KFAI Radio. J'ai un rêve, de Martin Luther King Jr. Discours prononcé par Martin Luther King Jr. sur les marches du Lincoln Memorial, Washington DC, le 28 août 1963. Il y a 100 ans, un grand Américain qui a jeté sur nous aujourd'hui son ombre symbolique a signé la proclamation d'émancipation. Cet arrêté d'une importance capitale venait porter la lumière, comme un phare d'espoir, aux millions d'esclaves noirs marqués par les flammes d'une injustice foudroyante, et annonçait l'aube joyeuse qui allait mettre fin à la longue nuit de la captivité. Mais un siècle plus tard, nous devons faire le constat tragique que les Noirs ne sont pas encore libres. Un siècle plus tard, la vie des Noirs reste entravée par la ségrégation et enchaîné par la discrimination. Un siècle plus tard, les Noirs représentent un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Un siècle plus tard, les Noirs languissent toujours dans les marges de la société américaine. Des exilés dans leur propre terre, Alors, nous venons ici aujourd'hui pour dramatiser notre condition effroyable. Nous venons à la capitale de notre nation pour demander, en quelque sorte, le paiement d'un chèque. Quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils signèrent un billet à l'ordre de chaque Américain. C'était la promesse que chacun serait assuré de son droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a manqué à cet engagement quant à ses citoyens de couleur. Au lieu de faire honneur à cette obligation sacrée, l'Amérique a passé au peuple noir un chèque qui revient marqué sans provision. Nous ne saurons croire que la banque de la justice a fait faillite. Nous ne saurons croire qu'il y a plus suffisamment de provisions dans les grands coffres d'opportunités nationaux. Alors, nous venons exiger paiement contre ce chèque. Paiement sur demande des richesses, de la liberté et de la sécurité que procure la justice. Nous venons également à cet endroit sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence absolue du moment. Ce n'est pas le moment de prendre le luxe de laisser calmer les esprits, ni de nous laisser endormir par une approche gradualiste. Il est temps de quitter la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour prendre le chemin ensoleillé de la justice raciale. Il est temps d'ouvrir les portes de l'opportunité à tous les enfants de Dieu. Il est temps de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale jusqu'au rocher solide de la fraternité. Que la nation ne tienne pas compte de l'urgence du moment, qu'elle sous-estime la détermination des Noirs, lui serait fatale. Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne prendra fin qu'à l'arrivée d'un automne vivifiant qui amènera la liberté et l'égalité. L'année 1963 n'est pas une fin, mais un début. Ceux qui veulent croire que les Noirs seront satisfaits seulement de s'exprimer avec force auront un fâcheux réveil si la nation revient aux affaires habituelles, comme si de rien n'était. L'Amérique ne connaîtra ni repos ni tranquillité tant que les Noirs ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques. Les orages de la révolte continueront à secouer les fondations de notre pays jusqu'au jour où la lumière de la justice arrivera. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, qui sont sur le point de franchir le seuil de la justice. En luttant pour prendre notre juste place, nous ne devrons pas nous rendre coupables d'actes injustes. Ne buvons pas de la coupe de l'amertume et de la haine pour assouvir notre soif. Nous devons toujours conduire notre lutte dans un haut souci de dignité et de la discipline. Nous ne pouvons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Encore et encore, nous devons atteindre ce niveau exalté où nous opposons à la force physique la force de l'âme. Le militantisme merveilleux qui a pris la communauté noire ne doit pas amener à nous méfier de tous les blancs, puisque beaucoup de nos frères blancs, on le voit par leur présence ici aujourd'hui, se sont rendus compte que leur destin est lié au nôtre et que leur liberté dépend étroitement de la nôtre. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et quand nous marchons, nous devons jurer d'aller toujours de l'avant. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Il y en a qui demandent aux fervents des droits civiques, « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne serons satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les motels des routes ni les hôtels des villes. Nous ne saurons être satisfaits tant que les Noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un Noir du Mississippi n'a pas le droit de voter et qu'un Noir de New York ne voit rien pour lequel il peut voter. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits. Et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déchaînera comme les eaux et que la rectitude sera comme un fleuve puissant. Je ne suis pas sans savoir que certains d'entre vous arrivent ici après maintes épreuves et tribulations. Certains d'entre vous viennent directement des cellules étroites de prison. Certains d'entre vous viennent des régions où votre quête pour la liberté vous a laissé meurtri par les orages de la persécution et renversé par le vent de la brutalité policière. Vous êtes les vétérans de la souffrance créative. Persévérez dans l'assurance que la souffrance non méritée vous portera rédemption. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez aux ghettos et quartiers pauvres de nos villes du Nord, en sachant que cette situation, d'une manière ou d'une autre, peut-être, et sera changée. Ne nous complaisons pas dans la vallée du désespoir. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. J'ai un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. J'ai un rêve qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour même, l'État de Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. J'ai un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve qu'un jour l'État de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de nullification, sera transformé en un endroit où des petits-enfants noirs pourront prendre la main des petits-enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve qu'un jour chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée. Les endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront faits droits. Et la gloire du Seigneur sera révélée et tous les hommes la verront ensemble. Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au Sud. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble, nous révolter pour la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Quand ce jour arrivera, tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens nouveau de cette chanson patriotique. Mon pays, c'est de toi, douce patrie, de la liberté, c'est de toi que je chante, terre où reposent mes aïeux, fierté des pèlerins, de chaque montagne, que la liberté retentisse. Et si l'Amérique veut être une grande nation, ceci doit se faire. Alors que la liberté retentisse des grandes collines du New Hampshire, que la liberté retentisse des montagnes puissantes de New York, que la liberté retentisse des hauts Allegheny de la Pennsylvanie, que la liberté retentisse des Rockies enneigées du Colorado, que la liberté retentisse des beaux sommets de la Californie, mais pas que ça, que la liberté retentisse des Stone Mountains de la Géorgie, que la liberté retentisse des Lookout Mountains du Tennessee, que la liberté retentisse de chaque colline et de chaque taupinière du Mississippi, que la liberté retentisse. Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous laisserons retentir de chaque village et de chaque lieu-dit, de chaque état et de chaque ville, nous ferons approcher ce jour quand tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, catholiques et protestants, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux spiritual noir, enfin libre, Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes enfin libres. Hi, this is Sean, host of Modern Kicks, KFAI's weekly ramshackle roundup of rock and roll releases from all around the world. This week, we showcase some hot new releases from TJ Kabat, Real People, and this great track here from Midnight Snacks. You can hear the full program on the KFAI archives over at kfai.org, or you can always listen to us live every Wednesday at midnight only on KFAI, Fresh Air Community Radio. On en a vu bien des nouvelles défiler sur nos écrans. Chaque jour, chaque semaine, au menu un drame nous attend. Flottait comme une impression d'avoir tout vu, tout entendu. Noyé d'informations, ce vendredi, ils m'ont rendu l'envie de me lever, de défendre la liberté.

pourvu que ça continue, que ça continue, que ça continue, que ça continue comme ça. Démocratie, moi je tire chapeau bas à ces beaux cravateux qui ont tout compris déjà, à leurs faux cœurs, leurs faux yeux, leurs faux mots, leurs faux pas, à ces hommes d'assurance, ces rois pleins d'éloquence. Dans ma démocratie, il y en a pourtant qui lèchent des idées basses comme ça, et des monstres aussi rêches. Il y en a qui gardent, soi-disant, l'heure de piller sur terre. Il faut bien quelques victimes pour faire tourner l'affaire. Et l'affaire tourne bien et roule à 100 à l'heure. Pour les vivants perdus, faudra sécher vos pleurs. Pour nos cerveaux vaincus, retrouver l'équilibre et surtout rassurer la foule en mal de vivre. Pourtant dans ce pays d'or et de joie, personne nous empêche de chanter la java, de s'astiquer la vie en se disant tout bas, pourvu que ça continue, que ça continue, que ça continue comme ça. Démocratie, ce sont tueux guépiers. L'enfer est toléré, l'enfance est condamnée. Et que chaque citoyen, fragile ou insensé, ravale bien gentiment ses doux rêves égorgés. Pourtant dans ce pays d'or et de joie, personne nous empêche de chanter la java, de s'astiquer la vie en se disant tout bas, pourvu que ça continue. Ça continue, ça continue, ça continue comme ça. Was Adrien Edon with Chanson pour la Liberté, Song for Liberty, L'Accent with La Démocratie, and Les Notaires with Dans ma Démocratie. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. KFAI is supported by humans like you. Donate online at kfai.org. KFAI is supported in part by the strength of its underwriters. The businesses and organizations you hear mentioned between the music and news have aligned themselves with the values and mission of Fresh Air Community Radio and its listeners. Join us in keeping KFAI community forward by underwriting on air, on our website, and in the KFAI newsletter. Call us today at 612-341-3144, extension 22, or email sales@kfai.org. Now, we're going to listen to Soul King with Liberté, featuring Khuled El-Badja. Then we're going to listen to Tal with La Liberté, and Tata Pound with Démocratie Zéro. Thank you. les bancs des bananes. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara ma top, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Dans nos cœurs. La liberté, Sauvage. Démocratie zéro, démocratie zéro. Opposition des Mali, la démocratie zéro. Liberté d'expression, des démocratie zéro. Dans la Côte d'Ivoire, franchement, bon, la démocratie zéro. Yo, qui vole la maman, dina, en matin, il faut bien. Massa à la commission, gâché en beau, là c'est bien. Zone nous mettre à son accord, les mains au béquin, ma bien. Censure, Mali, la démocratie, bloc ou commando. Tata femme censure, la démocratie, bloc ou commando. Opposition des Mali, la démocratie, bloc ou commando. Opposition, qui s'y taoué, Aïdara, Tifoué, ou Bora, Antigigoro, Diko, Tifoué. Démocratie, bémi, Aïrana, Kenenye, Tefouila, Nekamali, Kera, Mafia, Yena, Fasolo, Sera, Beklana, Ouda, Brilende, Banjulela, Imaye, Bede, Fasara, Kiente, Fo, Jamana, Mina, Numi, Kakasange, Irila. Kuma chama ledu chama tarangu wanyena poshweli chama bakama chama kera demokrasi zero opposition zero mali demokrasi yufudu kuma chama ledu chama tarangu wanyena poshweli chama bakama chama kera demokrasi zero opposition zero mali demokrasi yufudu. Je n'ai plus confiance à l'ère démocratie. L'éthique n'est pas dans l'ère politique. Ce qui cause c'est le fric. La vérité n'a naissance que lorsqu'elle provient de pays nanti. Soi-disant défenseur de la démocratie, le mensonge légitime car ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents en Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B-52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple meurtri, tu le sais, notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte, et puis c'est fini. Certes, il y aura un compte à rendre après cette vie. Soul King with Liberté, then Tal with La Liberté, and Tata Pound with Democracy Zero. Hello, bonjour, this is Freddy Lotiti Deal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchinfluences@gmail.com. Now, we're going to listen to some songs that I received, Japan that I thought were a good idea to play. The first one was sent by Dana, our great Dana, and it's from Fev Zeza, and the name of the song is La Fin des Haricots, and it's a song with talking a lot of some French expression that translated literally doesn't mean anything, but really they have a meaning. Then we're going to listen to Les Violettes Noires with Excusez-moi, excuse me. Then Jason G with You Missed the Point. J'ai fait une carte de France, à bientôt, escargot. Occupe-toi de tes oignons, c'est la fin des haricots. Ils vont gagner les doigts dans le nez, bonjour Madame Chameau. Ils mettent du beurre dans les épinards, c'est la fin des haricots. La maison est dans un désordre, ça va, ça vient. Loin des yeux, loin du cœur, toutes les bonnes choses ont tout faim. Il faut appeler un chat, un chat, ou creux un petit chaud. Il y a quelque chose qui cache, c'est la fin des haricots. La maison est dans un désordre, ça va, ça vient. Loin des yeux, loin du cœur, toutes les bonnes choses en tout. Laissez tomber, je me casse, j'ai un petit creux. Arrête de te la péter, c'est la fin des haricots. Excusez-moi pour ça. j'aime bien lorsque tu souris. Et quand je sais bien que ma vanne ne t'a pas fait souffrir. Tu aimes mes limites, mes devises et mes valeurs. Et principalement tout ce que je vise. Et même mes chemises. Mais tout ça ce n'est pas toi. Tu ne m'aimes pas comme ça. Cette description c'est simplement mon idéal à la con. De cette conversation tu ne comprends donc pas que le temps t'a changé. Et maintenant je t'aime simplement bien. You miss the point, but it's alright, cause I like you. Je t'aime plus, mais non, tu piges rien. Ce n'est pas que l'amour n'est plus, c'est juste que je t'aime bien. Ton humanité, c'est ce que j'aime le plus. Contrairement à cette volonté de vouloir me changer un peu plus. Je ne suis pas un drôle que tu peux téléguider, mais c'est bien dans la tu nous as amenés. Je suis un garçon bien, mais tu ne le verras plus. Car quand je ne serai plus tien, je ne vaudrai plus rien. Je vois bien que tu ne m'aimes plus. Allez, rapproche-toi, écoute cette chanson. Ça dit que je t'aime bien. You miss the point, but it's alright. I like you. You miss the boat, but it's alright, cause I like you. Tu crois que je ne t'aime plus, mais non, tu ne piges rien. Ce n'est pas que l'amour n'est plus, c'est juste que je t'aime. Was Fev Zeza with La Fin des Haricots, and I think these days you can say La Fin des Haricots or La Fin des Haricots. It's no longer grammatically incorrect to do the liaison. Then Les Violettes Noires with Excusez-moi, and Jason G with You Missed the Point. Ladies and gentlemen, it's Travel Ramo 555 Wednesday nights at 11:59 on KFAI 90.3 FM. I'm the man for you. We're playing the best tracks from the stacks of wax. And the only platters that matter. The rock and roll power in the midnight hour. We got the hits, skits, and bits blabbering on to the break of dawn. It's Travel Ramo 555. Wednesday nights at 11:59 on KFAI 90.3 FM. It's gonna be crazy! Now we're gonna listen to Pom. And her name, Pom, is like Apple. The first song is Ce garçon est une ville. This boy is a town. And the second song is La Gare, the train station. Then we're going to listen to Cœur de Pirate with a cover from Renault called Mistral Gagnant. It's one of the most popular songs in France. Ce garçon est une ville que j'aime de mes doigts visiter. Ce garçon, une ville que j'aime de part en part sillonner. Un modèle de cité, un modèle de cité. Ce garçon est une ville où j'aime mon cœur laisser flâner. Ce garçon, une ville sereine, capitale de mes baisers. Un modèle de cité, un modèle de cité. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon-là. Je me lassais des villes nouvelles où je ne faisais que passer. Mais celle mystérieuse que j'aime, c'est le garçon dont je rêvais. D'une antique beauté, d'une antique beauté. Vers sa voix je me rue, je cours à perdre lui la vue. Vers sa voix je me rue, je cours. Le temps est suspendu dans cette grande avenue, dans cette grande avenue. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon-là. À ces fontaines, je bois, je bois. Je bois tant que j'en suis ivre. À ces points d'eau, je bois, je bois. Tant et tant que j'en suis ivre. Et je me sens revivre, et je me sens revivre. Ce garçon est une ville que j'aime, que j'aime. Je m'avance vers toi dans la gare. Est-ce que tu excuseras mon retard? Toi, tu téléphones encore. Je sens que ça ne va pas. Oh.

espérer. J'ai bien fait de dire non. Alléluia, dire non à ces garçons qui m'offraient leur nom. J'aurais mieux aimé mourir. Alléluia, que souffrir qu'il me revoie une bague au doigt. Quand ma mère me disait, tu ne le reverras jamais, il est temps de te marier, je m'en allais pleurer. Je l'aime toujours. It was Gaëtan Roussel with Viens chez moi, then Rika Zaraï with Kazachok, and the song Michael. Hey, this is that guy in the hat inviting you to step up to the bar for the Ultrasonic Gin and Tonic. I'll be your audio mixologist every Friday from 8 to 10 p.m., shaking up a tasty blend of house, lounge, trance, chill out, electro swing, spy-fi, and new jazz with a twist or two to give it just the right touch. Always smooth, never bitter, I'll ease you out of your work week and pick you up for the weekend. Check out the Ultrasonic Gin and Tonic, Fridays from 8 to 10 p.m. right here on KFAI 90.3 FM and at KFAI.org. First round's on me. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. And now, I'm going to talk about the events. So the first event coming up is this coming Thursday, the 21st, at 5 p.m. Central, and it's the book club talking about a book called La fille qui lisait dans le métro, The Girl Who Was Reading in the Metro. And it's organized by Cuckoo French Classes. So if you go on our Facebook page, there's a link. The event is being copied, and there's a link toward the registration because it is online. Then, I posted on our Facebook page a link towards the Federation of Alliance Française USA events. And there's quite a few, and there are some this week, and so please check out the link. This one that's going to be on Wednesday, January 20th, and it's going to be at 4 p.m. Central, and it's called Friends. And it's a drama with Pierre Ninet and Paul Abier, and it's about a young German woman whose fiancé has been killed in World War I. And the French soldier who comes bearing a secret about her fiancé. It's available to watch on Amazon Prime for free or Canopy. You need to register, and the link is on the Alliance Française website, so afusa.org. Then, on Friday, January 22nd, there is going to be the French-American Journeys of Josephine Baker. Join Lana Navarro, director of the documentary Josephine Baker, The Story of an Awakening, and it's a Zoom conversation with Pamela Druckerman. Then, on Saturday, January 23rd, there's Pursuing the Dream, Living and Investing in France with Adrienne Leeds, and it's at 2 p.m. Central. Then, on Wednesday the 20th, the Alliance Française of Raleigh, Durham, Chapel Hill, and Chantal Paget for a Zoom presentation about barriers and bridges in the fight to preserve Quebec's language and cultural identity on a largely Anglophone continent. This is organized by the Alliance Française of Raleigh, but you can find the link either on our Facebook page or on afusa.org. Emily in Paris, Fashion Fantasia or Faux Pas, it's going to be on Thursday the 21st, and it's going to be at 11:30 Central. It's organized by the French Institute Alliance Française in English, and it's based on the Netflix show Emily in Paris. This is cost on a discount, but check it out on their website. Then there's a Cine Club online and discussion about the movie Girl from 2018. It's on January 21st, so Thursday at 6 p.m. at 5 p.m. Central. And it's organized by the French Cultural Center Alliance Française of Boston, en français. And the movie is available on Netflix to watch prior. Then, La Bibliothèque des Amériques, for the Black History Month, is organizing a series of events called Noir Amérique, conversation littéraire animée par Rodney Saint-Éloi. It's going to be live every Tuesday from January 26th to February 23rd. It's once a week, and each week there's a different participant. So the first one on Tuesday the 26th is going to be Lilian Thuram. It's at noon Eastern, 11 Central. And Lilian is originally from Guadeloupe. He was born in 1972, like I was. And he created the Foundation of Education Contre le Racisme pour l'Égalité. And he also wrote several books, the first one being Mes Étoiles Noires, Manifeste pour l'Égalité, Notre Histoire, more recently about La Pensée Blanche. It's in French. He was formerly with the French team of soccer, and he was one of the players who won the World Cup in 1998 and the Euro Cup in 2000. So he's using his fame to get out the message against racism. And each Tuesday, there's going to be a different guest. So I'm going to post the link on the Bonjour Minnesota Facebook page, but the link is bibliothèquedesamériques.com. Then keep in mind that Patisserie 46 in the Twin Cities can still do Galette des Rois or the King's Cake. So if you have any question or you want to place an order, feel free to contact them at info@patisserie46.com. PATISSERIE46.com. Also, do not hesitate to contact us either on Facebook Messenger or directly by email at bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, c'est tout pour le moment. Back to the music. Now we're going to listen to Luan from her new album Joie de Vivre, and the song is Toute ma vie, My Whole Life, featuring Soul King. Then the other song from Luan is Désolé, Sorry. Then we're going to listen to Emily Simon with 162 from her album Mars on Earth. Je me prends trop la tête et je sais même plus pourquoi. Tout touche par les fenêtres et tu t'attaches à moi. Je voulais que tu restes mais tu ne reviens pas. Je sais que tu me testes, oh regarde-moi. J'ai mal à la tête, pourquoi tu réponds pas? Chacun de tes gestes me replonge chaque fois. Amour indigeste, on ne se relève pas. Je veux pas que tu te vexes, oh regarde-moi. Océan dans mes yeux, les vagues repoussent chacun de tes aveux. Océan dans mes yeux, les vagues répondent à ton double jeu. Si tu le dis, j'essaierai de croire encore un peu. Si tu veux, je te suivrai, je brûlerai au feu. Crois-moi.

was Luan with Toute Ma Vie featuring Soul King. Then the other song from Luan was Désolé, and Emily Simon with 162. Now we're going to listen to another song from Emily Simon called Cette Ombre, This Shadow. Then we're going to listen to Lojo with Pas Pareil, Not the Same. And I'm pretty sad I missed them at the Cedar Cultural Center when they came. I think it was at least three years ago. Then, from the new album of Michel Jonas, we're going to listen to Baby, C'est la Crise. And it's an alternative version. Baby, It's the Crisis. Cette ombre venue ici détruit. Je ne reviens pas pareil, pas pareil. serment sera close. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin. Le temps, je le passe à dessiner des ombres, je ne reviens pas pareil, pas pareil. La nuit d'un secret sera close. No sin, no redemption. No sin, no redemption. No sin. Poignées de sel, nos mères marchaient pieds nus sur des châteaux de cartes, des babels, des tigres de papier. Cette façon et sa petite entreprise, mais comme dit le grand Gustavio, baby c'est la crise. Baby c'est la crise. Faut se battre pour toucher sa paix, ça nous utilise. Pareil que c'est partout pareil, baby c'est la crise. Baby c'est la crise. Tout le monde veut sa place au soleil et les heures exquises. Qu'en amour, tous les deux, on s'économise. On se disait qu'on s'aimera toujours, mais baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. C'est plus comme quand il y avait Pachon et sa petite entreprise. Aujourd'hui, comme dit Gustavio, baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. Tout le monde se plaint plus d'oseille. Est-ce qu'on dramatise? C'est pas le pays des merveilles. It was Emily Simon with Cette Ombre, then Lojo with Pas Pareil, and Michel Jonas with Baby C'est la Crise. Bonjour et welcome to this new web show. It's called French Influences Radio Show Therapy, or first, or French Influences. Why? Well, because I'm from Paris and I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock and pop rock. I hope you like it. Feel free to send me feedback, frenchinfluences@gmail.com. Let's go. On y va. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Busty and the Bass with Out of Love. Then it's going to be Laura Cahen with Caval. Caval is like a runaway when people try to escape like justice or parents or things like that. Then we're going to listen to Ayo with Né Quelque Part, Born Somewhere. And it's a song for Maxime Le Forestier originally. It's a very nice cover. And it means born somewhere and pretty much means that we don't have a choice of where we were born. It's out of our control. Nobody does. And then it's going to be Yemi Alade with I Choose You, featuring Dadju. Encore, j'ai pas envie d'attendre. J'en peux plus te suivre dans ton bel. J'en peux plus te suivre quand tu dis toujours un peu ma faute. D'un coup, je suis facile, mais laisse-moi respirer. Si tu pouvais enfin donner ce que tu promets, baby, juste un moment, stop de jouer. Si t'as peur de tomber, ouh, là, rien ne peut m'étonner. Si. Je préfère quand tu le savais, le savais. Et s'il y a plus de love, dis-moi si tu t'aimes plus que moi. Je vais le savoir tôt ou tard. Dis-leur, fais tomber le masque, sois plus fort. Dis-moi où t'ai-je moins l'or. T'inquiète, j'ai la recette, si c'est comme ça, t'ai-je moins l'or. Juste tâche-moi là. T'inquiète, je fais mon remède. Si c'est comme ça, tâche-moi là. Ça ne sert que toi. Juste tâche-moi là. I could get it, I can get it. If you're looking for something I don't got, I know you'd rather let it be. Drop the ball and hope I make the call. But those signs are just a waste of me. See, I won't read into shit you could just say to me. Just say to me. And maybe you're just stuck in a belief or something. Maybe you think life should always ride out just the way you want it. Ooh, don't forget we're all just trying to get by. And maybe you could help me out this time. Maybe just this time. You see, I feel the love. Dis-moi si tu t'aimes plus que moi. Le savoir tôt ou tard. Dis-le, fais tomber le masque, sois plus fort. Dis-moi où t'ai-je moins l'or. T'inquiète, j'ai la recette. Si c'est comme ça, t'ai-je moins l'or. Ça ne t'inquiète toi, juste t'ai-je moins l'or. T'inquiète, j'fais mon remède. Si c'est comme ça, t'ai-je moins l'or. Ça ne t'inquiète toi, juste t'ai-je moins l'or. Till the next one. Ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Mani, le Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. C'est qu'au endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus le trottoir de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent éco-endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Pareil ou pas. I go take two steps. I go follow you, baby. Continue yourself. If you take one step, I go take two steps. Now you be my lover for life. I choose you. The morning time I do. The evening time set too. Anything you do, my kachuku. Just listen to Busty and the Bass with Out of Love, Laura Cahen with Caval, Ayo with Né Quelque Part, and Yemi Alade with I Choose You, featuring Dadju. Eh bien, that's all for tonight. Au revoir. Au revoir, and we'll be here next week, same time as always. And for now, stay tuned for Balkan Jamboree with Nikolai. Thanks for listening. Stay tuned. Bye-bye. A bientôt. Au revoir, tout le monde. And don't forget that KFAI is listener supported. So if you want to help us, you always can. Au revoir. Au revoir.